Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, c'est Yo ou Lionel, mais ce soir vous pouvez m'appeler Père Lionel. Et je suis avec mon lutin préféré, Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Père Lionel. Bienvenue sur Fadjet 94.2 les amis, et bienvenue sur Fadjet.net si vous nous écoutez par internet, pour la plus grande soirée de l'année, celle de Noël. Et nous allons une nouvelle fois ensemble partager ce moment merveilleux qu'est la veillée de Noël. Noël est un moment à part, où l'on se retrouve en famille, entre amis, pour une soirée douce et tendre. Malheureusement, beaucoup parmi vous se retrouveront seuls ce soir, parce que vous serez au travail, ou sur la route, à l'hôpital, dans la rue, privé de liberté, malade à votre domicile, ou simplement parce que la période de Noël vous rappelle de mauvais souvenirs et vous revient en mémoire tous vos chers disparus et préférez vivre cette période seule. Alors, cette veillée de Noël tendre et chaleureuse que nous vous avons préparée, Baptiste et moi, est pour vous d'abord, mais aussi pour vous tous, petits et grands, réunis devant le grand sapin de Noël en attendant le moment où le Père Noël va venir vous apporter vos cadeaux, pour vous remercier de vos efforts, de votre humanisme, de votre tolérance, de votre gentillesse avec vos proches et tous les autres, et ce, durant toute l'année. Cette émission sera musicale bien sûr, avec des chansons, cette année, françaises et francophones, autour du thème de Noël, et avec une partie de très nombreux messages que vous nous avez envoyés de Nancy ou de bien plus loin, et nous vous en remercions infiniment. Mais je ne peux pas démarrer cette émission sans faire un bisou, avoir une pensée fraternelle et émue à tous les enfants du monde, et en votre nom, à toutes et tous. Les amis, il faut aussi avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent au Rwanda, d'Haïti, du Soudan, de Colombie, du Mexique, du Guatemala, d'Éthiopie, qui sont chaque jour sous le feu des bombes, des drones, des balles, des attentats, parce que victimes d'une guerre venue de l'extérieur ou d'une guerre civile. Ces conflits dans le monde sont en constante augmentation depuis quelques années et plongent notre planète dans l'insécurité. Sans compter ces drames et catastrophes liés au réchauffement climatique. Dans toutes ces horreurs, notre solidarité et humanité est mise à mal. Alors profitons de ce moment de Noël pour les ressourcer, garder l'espoir d'une vie meilleure et pacifique pour eux comme pour nous tous. Et la magie de Noël, c'est ça aussi. Bonne soirée à tous et à toutes, et de tout notre cœur, joyeux Noël à chacun de vous. Fadjet, une radio associative, citoyenne et solidaire. Et on retrouve maintenant Louis Chédid pour sa chanson « Ce soir, c'est Noël ». Chaleur particulière ce soir. Ce soir c'est Un message envoyé aujourd'hui par Jean-Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Ma petite famille et moi sommes depuis une semaine dans la neige à Rovaniemi en Finlande, là où se trouve la grande maison du Père Noël. Nous avons pu la visiter, elle est merveilleuse, tout comme les rues illuminées de la ville. Nous avons pu hier aller donner à manger aux rennes qui vont faire ce long voyage avec le Père Noël. Nous avons vu d'ailleurs hier soir devant une foule immense le départ du traîneau copieusement rempli de cadeaux. Vers la forêt de là où ils se sont envolés pour faire leur tour du monde, ils seront dans quelques heures maintenant chez vous en Lorraine. De la part de toute la famille, on vous embrasse tous et nous vous souhaitons un très joyeux Noël. Et nous retrouvons maintenant Julien Clerc avec En attendant Noël. Avoir 5 ans au soleil, avoir le temps d'être éternel et croire au Père Noël qui descendra du ciel. Est-ce que tu te rappelles? La vie était belle, on attendait Noël, on attendait Noël, Noël. Avoir 5 ans au soleil, avoir les yeux pleins d'étincelles et lancer des appels en direction du ciel. Oui, je me rappelle, la vie était belle, on attendait Noël, on attendait Noël, Noël. Plus sous le même toit, on ne fait plus de petites croix. La vie passe, nous ne sommes plus des enfants. Mais en installant l'étoile, c'est à nous que je pense. Je retombe en enfant. Et croire au Père Noël pour un instant de ciel. Redevenir ton frère, petit frère téméraire, en attendant Noël, en attendant Noël, Noël. En En attendant Noël, en attendant Noël, Noël. Fadjet, de la musique, des voix, des passions. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Un message maintenant de Tuainé. Je m'appelle Tuainé et je fais mes études à Paris et je ne pourrai cette année être avec ma famille à Wainé, une île près de Tahiti, pour fêter Noël et j'en suis triste. Heureusement, par les visées sur mon ordinateur, nous pourrons passer une grande partie de Noël ensemble et j'aurai le cœur moins gros. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël en Polynésie et surtout à mes frères et mes sœurs et mes parents. Joyeux Noël à vous tous et ici en France aussi. Et on retrouve notre petite chouchoute Aniti de Tahiti avec sa chanson « C'est Noël in Polynesia ». Depuis plusieurs jours, la maison est décorée. On accroche des guirlandes sur le grand cocotier. Le quartier s'illumine pour préparer la fête, puisque bientôt c'est Noël. Je t'en prie, petit Papa Noël, ne m'oublie pas. J'ai toujours été sage, demande à mon papa. J'attends tous les jouets que je t'ai commandés, puisque bientôt c'est Noël, c'est Noël. Scintillent partout dans le ciel. Le chant du coq va bientôt tous nous réveiller. Je vais bondir pour découvrir tous mes cadeaux. Enfin, c'est sûr, c'est Noël. Un message d'Eric. Je m'appelle Eric et je suis originaire des Vosges. Je vis en Martinique depuis 35 ans. Dans mon salon, j'ai un grand cadre des montagnes vosgiennes sous la neige qui me rappelle mes Noëls dans les Vosges. À tous les Lorrains et tous les Vosges-Pattes qui me reconnaîtront, je vous souhaite un excellent Noël et n'abusez pas de l'agneau. Et on retrouve maintenant le groupe incontournable pour Noël, la compagnie créole dans leur célèbre Bon Baiser de Fort-de-France dans un remix de 1992. voyages et nos chansons. Un message d'Olivia de Nancy. Je m'appelle Olivia et je suis originaire de Corse où je retourne une ou deux fois par an voir ma famille. Je voudrais souhaiter un joyeux Noël à mes parents et toute ma famille qui habitent à côté de Bastia et à vous tous les Corses. Pouvez-vous passer à l'antenne la chanson traditionnelle du Noël corse, Dumane Natale? Merci à Fadjet et joyeux Noël à tous, petits et grands. Merci Olivia et aussitôt dit, aussitôt fait, voici Dumane Natale par l'équipe de Voce di Corsica, les voix de Corse en français. Un message d'Alain de Maxéville. Je m'appelle Alain. Comme chaque année, j'envoie mes meilleurs vœux de Noël à toutes les personnes incarcérées à la prison de Nancy et de partout en France. On ne vous oublie pas. On pense à vous et l'on vous souhaite un joyeux Noël et joyeux Noël à toute l'équipe de Fadjet. Et on retrouve Annie Villeneuve, une artiste québécoise, avec cette reprise d'une chanson américaine adaptée en français dans les années 60 par Ginette Reynaud. Père Noël arrive ce soir. J'ai vu dans la nuit passé un traîneau et j'ai vu aussi ton grand ami. Père Noël arrive ce soir. Il allait vers toi dans la cheminée, il allait vers toi pour y déposer des jouets dans ton bas de soie. Eh bien, tu devras dormir sans faire aucun soupir. Même si tu n'en as pas envie, tu devras rester au lit. J'ai vu dans la nuit passer un traîneau et j'ai vu aussi ton grand ami. Père Noël arrive ce soir. Et quand viendra le jour, tu te lèveras et tour à tour tu ouvriras tous les cadeaux que tu verras. Tu vas t'amuser, tu vas rigoler, mais il ne faudra pas oublier d'être sage toute l'année. D'être sage toute Un message de Sylvie de Nancy. Je m'appelle Sylvie et je voudrais souhaiter un joyeux Noël aux jeunes sapeurs-pompiers très mobilisés durant cette période, ainsi qu'à tous les urgentistes de CHRU de Brabois, au personnel et aussi aux infirmiers libéraux qui vont travailler ce soir de réveillon et le jour de Noël. Votre courage et votre dévouement sont exemplaires. Merci et bravo, joyeux Noël à tous. Et voici une chanson qui a 50 ans cette année. Comme le temps passe vite, c'est Michel Fugain et son Big Bazar dans une création de lui et de Claude Lemel, Joli Sapin. Joli sapin de mes Noëls, mes nuits de neige à guetter le ciel. Vous êtes loin, vous me manquez comme un pays, comme un amour. Je n'ai plus rien dans mes souliers. Hélas, hélas, c'est pour toujours. Adieu, sapin de mes 10 ans. On ne t'arrête pas, continue cet air-là. Vous êtes loin, vous me manquez. Chacun son temps, chacun son tour. On a éteint ma cheminée. Hélas, hélas, c'est pour toujours. Joli sapin de nos 10 ans, guirlande d'or pour les yeux d'enfant. Vous êtes loin, vous nous manquez comme un. Chacun son temps, chacun son tour. Hélas, hélas, c'est pour toujours. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Un message de Catherine. Je m'appelle Catherine et je suis de Rennes et j'ai de la famille au Québec, proche du lac Saint-Joseph, à qui je souhaite un joyeux Noël. J'adore écouter cette belle chanson de rock voisine en décembre qui ravive tous mes souvenirs et avec la larme à l'œil de cette lointaine contrée du pays du grand froid, mais tellement chaleureux. Pouvez-vous diffuser cette chanson ? Merci et joyeux Noël à vous tous. Ça tombe bien Catherine, c'est un de nos classiques sur Fadjet durant les fêtes. Alors aussitôt demandé, aussitôt diffusé, voici Rock Voisine et sa chanson en décembre, suivie de Marie-Hélène Thibert, une autre artiste québécoise, dans une adaptation en français de Ginette Reynaud, de la chanson de Brandali composée par Johnny Marx, Rock Around the Christmas Tree, devenue Danser autour du sapin vert, mais là en version plus swing rock, Rock Voisine et Hélène Thibert. En décembre, quand tout est gris dehors, je repense à mes bonheurs d'enfant du Nord. En décembre, mon cœur battait plus fort. Et le vent soufflait du blanc sur le décor. Moi j'apprenais mes premiers accords bien avant que les saisons ne perdent. Je me souviens des chansons qui réchauffaient notre maison. Au pays de l'hiver, décembre à mes yeux d'enfant, étalait des peaux d'ours blancs. Sur terre, en décembre, mon cœur battait si fort. Impatience sous les lumières multicolores, moi je prenais les copains d'abord. Je me souviens des chansons qui réchauffaient notre maison. Décembre à mes yeux d'enfant, étalait de beaux sentiments. Sur terre, depuis décembre a perdu la bataille. Rien n'est plus comme avant. Fadjet, une radio associative, citoyenne et solidaire. Chanter jusqu'au matin. et s'embrasser devant tes mains. Vous êtes bien sur Fadjet 94.2 ou sur le net avec Fadjet.net. C'est la veillée de Noël cette année avec Baptiste, mon lutin préféré, et le père Lionel. À toi Baptiste. Un message d'Elisabeth. Bonsoir à tous, je m'appelle Elisabeth et je voulais vous raconter un souvenir de Noël. Nous étions petites, ma sœur et moi, et étions allées passer Noël avec mes parents chez une grande tante que nous ne connaissions pas, habitant la Haute-Saône, dans un tout petit village isolé. En l'apercevant, elle était très âgée et toute voûtée. En entrant dans sa maison, ça sentait bon le repas qu'elle avait préparé, mais il y avait juste quelques décos et pas de sapin de Noël. « Mais Tati, tu n'as pas de sapin de Noël ?»« Oh, vous savez, les enfants, il y a plusieurs semaines, avec ma scie, j'ai bien essayé d'aller couper un grand sapin de Noël dans la forêt pour votre venue, mais vous savez, je suis très vieille maintenant et je n'ai pas pu le couper. » Nous étions très tristes pour elle, mais elle ajouta « Venez voir derrière la maison. » Et là, dans son jardin, il y avait un vrai sapin de Noël de 3 mètres de haut et tout décoré avec plein de paquets cadeaux de Noël. On a pleuré avec ma sœur et on lui a fait un gros câlin. Cela a été l'un de mes plus beaux Noëls. Elle n'était plus là aujourd'hui, mais à chaque Noël, je pense à elle. Joyeux Noël à tous. Et voici une reprise de la chanson de Bing Crosby, White Christmas, sans doute la plus connue dans le monde, mais adaptée en français et devenue Noël blanc et interprétée par Robert Charlebois et Daniel Lavoie. Le bois craque dans le feu, la table est déjà garnie, tout est prêt pour mes amis, et j'attends l'heure où ils vont venir, en écoutant tous mes souvenirs. La neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel le où le bon vieillard descend. Décembre lançait au vent l'odeur des marrons brûlants. J'attendais tremblant un peu l'instant des cadeaux joyeux. Et je mettais mes petits souliers sous le manteau de la cheminée. L'heure où le bon vieillard pas d'autre Noël blanc. Et je songe à d'autres Noël blanc. Fadjet, une radio associative, citoyenne et solidaire. Quelle belle chanson, cette chanson interprétée par Robert Charlebois et Daniel Lavoie. Et maintenant, voici une chanson, alors là c'est un vrai classique de Noël, interprétée par Elsa et notre Charlie Couture préféré. Eh oui, Charlie Couture a chanté une chanson de Noël, eh oui. Dans la chanson Petit Garçon, une reprise de Cream Alright. Son manteau rouge et blanc sur un traîneau porté par le vent. Il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Des yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme. Reposer, entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se calme, reposé, entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé, entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets. D'aller se coucher. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Et voilà, maintenant notre veillée de Noël se termine. Je tiens à remercier le petit lutin préféré, Baptiste. J'espère que t'as passé une bonne veillée de Noël avec nous. Bah oui, c'était super. Merci à toi, Lionel, pour l'invitation. C'était vraiment génial. Voilà. Bon, on va aller manger parce que il est 21h, je commence à avoir les crocs. Donc, j'espère que ce moment de douceur, en tout cas, vous a une nouvelle fois plu. Dans quelques instants, après la sonnerie de 21h, vous retrouverez la suite des programmes de cette soirée magique de Noël sur Fadjet. Vous retrouverez le podcast de l'émission sur fadjet.net dans la rubrique Musique Live. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débuter à 20h le réveillon de l'an. Et vous verrez, ce sera épatant et dansant, tiens, je fais des rimes, dans le cadre d'un spécial Musique Live. Encore une fois, à vous toutes, à vous tous, petits et grands, que la magie de Noël soit avec vous. Et nous vous souhaitons encore un merveilleux et joyeux Noël. Belle soirée de Noël à vous tous. C'était le Père Lionel. Bonsoir. Oh, oh, oh. shining, it is the night of our dear Savior's birth. Home lay the world in sin. Oh no.